télé. Ton gros pèse des millions, il n'en a pas l'air, hein. Tu crois toucher le duc s'en bat les reins. Je l'ai mis au fond, car tu le valais bien. Enterre-moi à Bakel, moi au monde valait rien. Avant moi dans le game, tout allait bien. No pain, no gain, vous le savez bien. Je n'ai plus de l'âme, je ne pleure même pas souvent. Ah non, l'âme, je sors du toit ouvrant. Babylonien, pourquoi tu mens tout le temps? Triple Lugan, y'a du crâne humain tout le temps. À part l'oseille, pas de très ragoûtant. Sans mère, Laurent, Ruquier, contre Laurent Houtan. Un peu une chatte, j'ai la queue dedans. Je ne manque de rien, je ne manque que de temps. Sabibi, sabibi, habibi, habibi. Sur le rein t'es à midi, je baisais la juge mon alibi. Sabibi, sabibi, habibi, habibi. Sur le rein t'es à midi, je baisais la juge mon alibi. Premier qu'en sport et en chant, fuck les autres matières. Faut pas réussir de toute manière, ça trafique de la cire dans tout Agnès. Ton cercueil, ton nouvel hôpital, je ne viendrai pas à ta crémaillère. Al Pacino, Scarface, j'habite le morceau de Chico ennemi sur Chevalier. T'as si t'as ça, j'suis sur la vie de ta mère. Personne te croit, Renoir dit voilà, j'suis sur la vie de ta mère. Y'a 500 E, partout, club sur l'étagère. Ennemi talentueux, à bout, toute ta famille est couchée par terre. Jamais au gaz, à bout, j'nique tout, rien n'est classé par terre. Noir et l'arc-en-ciel, qui l'a pincé l'arc-en-ciel. En tout cas c'est pas moi, beaucoup d'ennemis sont de l'histoire ancienne. En tout cas c'est pas moi, beaucoup d'ennemis sont de l'histoire ancienne. Sabibi, sabibi, habibi, habibi. Sur le rein t'es à midi, je baisais la juge mon alibi. Sabibi, sabibi, habibi, habibi. Sur le rein t'es à midi, je baisais la juge mon alibi. Tio, hey, la boîte est pleine, le superchargé garé devant. Sûrement millimètre, donc ne me critique pas en m'insultant. J'parle un godor avec le pop zère au Vatican. Ressuscite de tendre la joue, mais je ne suis pas pratiquant. Mais puis toi-même des petits, car il n'y a plus de grands. Il te reste peut-être tes clés, oui, mais tu n'as plus de dons. Mon camp c'est le règne animal, là où il n'y a plus de gens. Je veux aller plus haut que le sommet de la montagne, là où il n'y a plus de vent. Hey baby, hey baby, hey baby, hey baby, hey baby, hey baby, sa baby, sa baby, hey baby, hey baby. Sur le rein t'es à midi, je baisais la juge mon alibi.